d'accord. Alors, je commence avec une blague. Juste faire rire. Ça n'a rien à voir des écritures. Juste faire rire un petit peu. Je l'ai entendu quelques fois, je l'ai trouvé drôle. Alors, c'est le gars qui décide, qui racontait. Je vais vous raconter une blague sur les blondes. Il dit, avant que tu me racontes une blague sur les blondes, là, j'aimerais te dire que moi, je suis peut-être blonde, là, mais je suis championne du taekwondo au Canada. Et puis, qu'il n'y a pas un homme qui a réussi encore à me battre. Alors, je te le dis. L'autre à côté dit, j'aimerais te dire que moi, je suis peut-être blonde, là, mais j'ai un doctorat en sociologie, en théologie, en philosophie. Et ce n'est pas un petit noir comme toi qui va me dire quoi dire, puis faire des blagues sur des blondes, OK? Et la troisième lui dit, et c'est ma copine, elle dit, moi, je suis blonde, mais je ne suis pas niaiseuse, hein, je sors avec ce gars-là, puis fais attention à ce que tu dis. Alors, le gars lui dit, OK, je vais laisser faire. S'il faut que je la répète trois fois, puis l'explique trois fois, je vais te laisser faire. Bon! Ce matin, on va entendre autre chose à partir des Écritures. On va essayer d'entendre de la part de notre Dieu, de la parole de Dieu, de notre Dieu, qui s'appelle la parole de Dieu. J'ai bien aimé un des cantiques que David a chanté ce matin, justement. Notre Dieu est la parole de Dieu. C'est ce qu'il nous révèle dans Jean, chapitre 1. Il s'identifie, avant d'être identifié comme la lumière, il s'identifie comme la parole. Et c'est ce qu'on a parlé dimanche soir passé à Agapé. Sur cette approche langagière, cette approche de la parole que Dieu nous amène. Tournez avec moi, s'il vous plaît, dans Matthieu, chapitre 22. J'ai dit et j'ai annoncé que j'allais, et Jacques m'a demandé, et je remercie le comité aussi de l'Église de l'invitation, Jacques m'avait demandé de continuer sur la petite conférence que j'avais débutée le 13 février. Alors, dans Matthieu, chapitre 22, et je vous invite à tourner au verset 36. On va commencer 34. Regardez comment Jésus est capable de remettre les gens à leur place et donner les arguments pour éprouver, lorsqu'il se fait éprouver, il est capable de donner l'argument. Verset 34, il dit, « Les pharisiens ont appris qu'il avait réduit au silence les sadducéens se rassemblèrent. » Ah, il a été capable... Les pharisiens disent, il a mis au silence, il était capable de taire nos ennemis théologiques, les sadducéens. Alors, on va voir s'il va être capable de faire avec nous. Alors, les pharisiens, au verset 34, lui disent, au verset 35, « Et l'un d'eux, docteur de la loi, professeur de la loi, docteur de la loi, enseignant de la loi, alors ce sont des gens qui connaissent la loi, lui posa cette question pour l'éprouver, pour le tester. » Avez-vous remarqué que souvent, les gens qui tiennent beaucoup à la loi, aux règles, souvent, c'est ceux qui le contrôlent mieux, qui le connaissent mieux, aime bien poser des questions pour t'éprouver, pour vérifier. Est-ce que tu suis telle règle? On a toujours une règle, on a toujours une loi. Et la loi et la règle, elle est tout le temps là, elle nous divise sans cesse. Je rentre chez quelqu'un, je peux aller voir dans une maison, je peux connaître les règles, les lois, comment ça fonctionne, j'observe. S'il ne me les dit pas, je peux les observer, elles sont écrites ou non écrites. Attention aux lois non écrites, c'est souvent les plus puissantes et les plus fortes en société. On appelle ça les mœurs. Alors, lorsqu'on arrive, et c'est ce conflit de règles et de lois qui fait que souvent on a des difficultés présentement, et il y a beaucoup de préjugés, hein, on a nos idées préconçues. Alors, les gens arrivent dans cette société occidentale, américaine, avec ses mœurs qui n'existent pas, que les gens pratiquent l'amour libre, la drogue, et toutes les difficultés. Les gens arrivent avec leurs règles, leurs lois, souvent lorsqu'on est religieux, lorsqu'on tient nos règles et nos lois, lorsqu'on a de la morale, on arrive avec cette opposition-là, puis on dit « Ah! » Et on regarde, et souvent on est jugé. Si tu mets le mot de Dieu chez certaines places, tu places le mot de Dieu, et tu regardes. Moi, des fois, si je mentionne que je vais prier pour quelqu'un sur Facebook, je vais avoir 5-6 répliques. « Ouais, qu'est-ce que Dieu t'a fait là, au Japon? Ça n'a rien à voir avec le Japon. » Je n'ai pas parlé de ça. Je n'ai pas parlé de ce que Dieu était derrière cela. « Ah! » Dès que tu dis le mot Dieu, « Ah! » C'est révolte. Et c'est la même chose. Dès que tu maudis « loi », hein? C'est quoi ta règle? C'est quoi ta loi? Et elle divise sans cesse. Pourtant, lorsque Dieu nous donne sa loi, sa règle, elle n'était pas supposée nous diviser, elle est supposée nous unifier et nous rapprocher de Dieu. Alors, on a un petit problème de compréhension quelque part. Et on voit cette attitude-là, cette attitude des pharisiens qui est typique. Ils viennent pour l'éprouver. Quelle est, hein? Alors, ils lui demandent, et qu'est-ce qu'il arrive? Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? On va voir si tu la connais. Quel est le plus grand? Alors, ils arrivent avec la question. Ce n'est pas Jésus qui est arrivé avec la question, c'est eux qui sont arrivés avec la question. C'est quoi le plus grand commandement? Et Jésus lui répond, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier. Et c'est le plus grand des commandements. Curieux, je ne l'avais pas vu tant que ça. Moi, dans l'Ancien Testament, je ne l'avais pas vu tant que ça, cette règle-là, ce commandement-là. L'aviez-vous vu souvent dans les Écritures? Il y en a au-dessus de 600 hein, dans l'Ancien Testament, chez les Juifs. Et puis Jésus arrive à quelque chose qu'on dit, mais d'où que ça sort, ça? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de ton âme, de toute ta pensée. C'est le plus grand, c'est le premier des commandements, et voici le second, qui lui est semblable. Alors, c'est un corollaire de ce premier, qui dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », et de ces deux commandements dépendent toute la loi et tous les prophètes. Ouais, c'est important. On me demandait, mon ami Jocelyn me demandait dimanche soir, il dit « Jean-François, si on avait à résumer, là, résumer le christianisme, c'est quoi qui fait la différence? Pourquoi nous, on est chrétiens? Pourquoi est-ce que c'est le christianisme plutôt que l'islam, plutôt que le judaïsme, ou plutôt que tout autre? » C'est parce que souvent, on nous demande, c'est quoi mon différentiel? Bien, je crois vraiment qu'on est dans la religion de l'amour. Je crois vraiment que le christianisme, c'est la foi de l'amour. Je crois que ce que le Seigneur nous fait comme différence, c'est un mot nouveau. Un mot que je ne vois pas beaucoup. J'ai regardé le Coran, je ne l'ai pas vu beaucoup, ce mot-là. Je ne le vois pas souvent. Je ne le vois pas dans beaucoup d'autres écritures. Mais je le vois dans le Nouveau Testament, puis je le vois dans ce que Jésus dit. L'amour. Tu aimeras aimer. Aimer Dieu de tout ton cœur. Puis ensuite, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, quelque part, il y a un lien. D'aimer Dieu fait que je m'aime, fait que j'aime le voisin. Il y a un corollaire extraordinaire. Et ça m'explique aussi la grâce de Dieu, le cœur de Dieu, comment il est mon Dieu. Il est un Dieu d'amour. Alors, je reprends pour mon premier point. Je vais reprendre un petit peu sur le but de la loi, des règles. Si vous vous rappelez, le 13 février, je vous ai bien expliqué que toute règle, norme, on dit d'une règle, un norme, un devoir, on va le voir souvent, tu dois faire ceci, tu ne dois pas faire cela, il est interdit de faire ceci, il est interdit de faire cela. Il y a des règles hygiéniques, il y a des règles au niveau de la santé, il y a des règles, et dans la loi de l'Ancien Testament, on voit dans la loi mosaïque, spécialement, il y a des règles qui les protègent pour aller dans le désert pendant des années, des années, des années, vivre en communauté. Alors, on met des règles pour pouvoir essayer de prévoir le comportement futur. Alors, si je vous avais expliqué, si je mets 50 km devant une école, je peux m'attendre à ce que je vais aller à 50 km devant une école. On peut s'attendre au comportement prévoyable. Sauf que la règle, la loi, nous avons vu ça, elle ne donne pas de cours de conduite. Aime ton épouse, aime ton époux, bien, elle ne donne pas un cours comment aimer. Alors, les règles ne nous donnent pas sur comment faire. Elle nous dit quoi faire, mais elle ne nous dit pas comment s'y prendre pour y arriver. Et le Seigneur, lui, il nous donne des lois, certes, mais il ne veut pas qu'on soit des idolâtres de la loi. Attention, les pharisiens n'aimaient pas Dieu tant que ça. Ils aimaient bien plus leurs règles, leurs lois, que Dieu. Et ça, il faut faire une distinction. On est souvent, nous, des bibliolâtres. On adore la Bible, mais on n'adore pas nécessairement le Dieu de la Bible. Il faut faire attention. On peut aimer les règles, on peut aimer le pourquoi des lois, c'est beaucoup mieux. On peut aimer celui qui nous a donné les règles, mais aimer celui qui nous l'a donné, en comprenant son cœur, son idée, son intention, c'est encore mieux. Moi, vous savez, toute règle, et ça, on le voit en éthique, il y a toujours un vide juridique quelque part. On ne peut pas prévoir des règles pour tout comportement. On me dit, je voyais ça sur Internet, des fois, je ne reviens pas, moi, certains imams qui expliquent un peu sur la charia, qu'elle explique même comment tu vas aller à la salle de bain, quelle main tu dois utiliser, comment tu dois faire ça, comment tu dois terminer, comment tu dois t'essuyer. Je me dis, coudonc, là, je peux-tu respirer sans qu'il y ait une loi quelque part? Est-ce que je peux passer? Parce qu'un des problèmes avec une multitude de règles de loi, c'est que, et ce qui fait que souvent l'être humain simpliste, enfant, se contente de cela, c'est que ça lui évite de passer. Je n'ai pas besoin de réfléchir. Et on avait expliqué la dernière fois les limites des règles et des lois. Car s'il n'y a pas de... Si la pancarte, 50 km, est brisée devant l'école, est-ce que tu vas filer à 100 km? Ah, il n'y a pas de, de pancarte! Mais il y a des enfants encore qui sont là, qui circulent. Alors, c'est Michael, je pense, qui m'avait dit la réponse. Il dit, à cause de la sécurité comme valeur, je vais aller lentement. Je vais ralentir. Parce que j'ai une pensée, je sais pourquoi la règle a été donnée. Mais est-ce que ça veut dire que nous, les chrétiens, on n'a pas de règles, on n'a pas de morale? Loin de là! La loi est bonne. On a des règles, on a une morale. On a un vivre ensemble. C'est évident que si on se met à baiser tout le monde ici à gauche et à droite, on va avoir une chicane. Hein? Et si on se met ici à maltraiter la femme, maltraiter le noir, maltraiter le blanc, bien, on va avoir de la division. C'est de gros bon sens, n'est-ce pas? On a un vivre ensemble, il faut vivre, et surtout dans les églises, on vit en micro-société. C'est un microcosme. Alors, c'est pour ça que le Seigneur, il nous donne des institutions, il nous donne la famille. Ah, applique ça dans ta famille. Toi, papa, inspire-toi de Dieu et aime comme Dieu t'aime et aime les autres comme Dieu t'aime. Et ainsi de suite, on a notre rôle, l'épouse, les enfants. Et alors, on a cette micro-société qui est la famille. Et ensuite, le Seigneur nous installe aussi, il nous donne une communauté de foi. On a des églises. Alors, nous ici, il faut savoir comment vivre en église. Bon, je t'intéressais à savoir les règles écrites. Alors, présentement, vous avez fait une constitution, vous avez fait une convention. Ici, dans cette église protestante, vous avez décidé d'être une église inclusive, ce qui veut dire que vous accueillez les gens tels qu'ils sont. Et vous faites confiance à Dieu, au Saint-Esprit, pour les transformer. Et que vous ne voudrez pas faire le travail du Saint-Esprit. Et que j'honore ce qui vous a permis d'accueillir quelqu'un comme moi. C'est merveilleux! Puis de faire confiance à Dieu. Puis qu'ici, bon, on ne te mettra pas une étiquette à vie. Tiens, tapette! Ah! Oh, on va te mettre une étiquette. Ah! Oh, handicapé! Ah! Oh, alcoolique! Puis là, tu as ça à vie. Là. Tu dois traîner tes étiquettes. Là. Ah! Moi, je ne suis pas quelqu'un. Je suis une tapette. Je ne suis pas quelqu'un. Je suis un alcoolique. Je ne suis pas quelqu'un. Moi, je suis juste une femme. Voyons donc! Nous, le Seigneur nous a amenés à la liberté. Et on ne met pas l'étiquette parce qu'on permet au Saint-Esprit, à Dieu, de nous aimer et qu'on comprend le pourquoi des règles et des lois. Elles sont données pour un temps. C'est pour ça que le gouvernement passe son temps à passer des nouvelles lois, parce qu'elles ne sont pas adaptées. Savez-vous qu'il y a encore une loi à Montréal concernant ton cheval? Il ne faut pas qu'il traîne devant le parking plus que X minutes parce que tu vas avoir une amende parce que tu laisses ton cheval là. Ça s'appelle des anachronismes. Il y en a plein dans les règles et lois parce qu'ils sont donnés pour un temps. Présentement, on a des nouvelles lois que le gouvernement sont en train de créer concernant la cyberpédophilie puis le monde. Parce que ça n'existait pas auparavant, des gens qui allaient sur Internet pour aller profiter des enfants ou abuser des gens. Ça n'existait pas. Il n'y avait pas de règle. Alors, ils font une règle. Et dans 20 ans, peut-être, lorsqu'on aura passé au web numéro 8.0, peut-être qu'on sera passé à autre chose, puis que ces règles-là sont désuètes, et il faudra d'autres règles, parce qu'on veut faire un vivre ensemble. C'est ça l'idée. Alors, les lois de Dieu étaient données pour un vivre ensemble, pour le peuple de Dieu et pour la terre, parce que Dieu nous voit, lui, concerné par toute sa création. J'espère que comme parents, vous n'avez pas simplement de l'intention puis de la bonne intention et que vous ne portez pas votre amour uniquement pour ceux et celles qui sont à la maison et qui sont tranquilles et qui vous suivent au doigt et à l'œil. J'espère que vous avez de l'amour pour tous vos enfants, même quand ils sont adolescents, puis même quand ils sont loin de la maison, puis même quand ils se mettent des boucles d'oreilles, puis même quand ils se mettent une boucle d'oreille dans le nez, puis même quand ils se mettent un tatouage que tu ne veux pas, puis même quand ils ont un cheveu de la couleur que tu n'aimes pas, puis même quand ils se tiennent avec la gang que tu ne veux pas. J'espère que tu les aimes inconditionnellement parce que c'est comme ça que Dieu nous aime, en dehors de ta morale ou de tes règles. Car si c'était le cas, nous sommes tous et toutes disqualifiés. Et nous serions tous rejetés par Dieu. Et on est bon, l'Église, entre guillemets. Oh, nous avons des messages contradictoires. Nous t'accueillons, nous t'acceptons, nous t'aimons tel que tu es. Ah oui, hein? Attends un peu qu'on te change, toi. Attends un peu qu'on te transforme. Et si tu ne te transformes pas assez vite, tu es une nouvelle personne en Jésus-Christ, as-tu compris? Maintenant, il faut que ça change. Toutes choses sont nouvelles en Jésus-Christ, tu es une nouvelle créature. Maintenant, il faut que ta morale change. Maintenant, il faut que ça change. Parce que si ça ne change pas, nous, on va te le dire avec joie et avec plaisir. Hey, ça me fait penser aux pharisiens, ça. Quel est le plus grand commandement? Ils viennent pour éprouver Jésus. Est-ce que vous êtes comme ça, vous? Je ne crois pas que vous êtes comme ça. Vous arrivez avec des petites questions. Oui, qu'est-ce que tu penses de ça, toi, là? La règle, là, là. Qu'est-ce que tu en penses, toi, là, là? Mon Dieu, peux-tu juste me dire bonjour? Comment ça va? Comment ça va, Jean-François? Non, il y en a qui me dit, il y en a que je suis arrivé à une église il y a quelques années. Je vais voir le pasteur. Et puis, je dis bonjour, merci, ça me fait plaisir. Je vais chercher une église locale. Écoute, t'es-tu encore avec telle femme, toi? Oui, oui, j'ai su. Est-ce que, comment est ta morale, toi, là, là? Bien, j'ai dit, est-ce que tu aimerais savoir mon nom en premier, puis me saluer? Bonjour. Alors, je lui ai joué le tour. Alors, ce que j'ai vu son attitude, je lui ai dit, écoute bien, pasteur, moi aussi, j'aimerais prendre un café avec toi. J'aurais des questions sur ta sainteté, puis je voudrais vérifier certaines choses sur ta vie aussi. Hein? Ben oui, tu me poses la même question. Alors, je vais te poser la question. Tu es un humain comme moi. Il n'a jamais voulu. Un instant, est-ce que c'est comme ça que Dieu agit? Première affaire. La loi, les normes, nous disqualifient tous. Nous le savons. Jacques nous dit, si quelqu'un brise un seul commandement, il les a brisés tous. Alors, elle nous sert de pédagogue, elle nous sert à nous enseigner. Nous, les chrétiens, chrétiennes, et c'est la distinction qui nous fait, c'est qu'on a, on a Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, c'est le plus grand éthicien qui existe sur cette terre, que je n'ai jamais vu, que je n'ai jamais lu au sujet. C'est celui qui nous donne la perspective. Il nous donne d'un cœur de pierre, dur, la loi, la rigidité. Il nous donne un cœur de chair, doux. Il nous donne son esprit pour pouvoir interpréter la loi, la dépasser, l'aimer et aimer notre prochain, ensuite comme nous nous aimons nous-mêmes. N'est-ce pas merveilleux? Comment est-ce qu'on peut voir de quelque chose de commun dans la règle, dans les lois, dans la loi mosaïque? Est-ce qu'on peut voir quelque chose qui est vivifiant dans la loi? Certes. Et je reviens là-dessus parce qu'on me l'avait posé en question supplémentaire suite à mon message du 13 février. Si vous vous rappelez, le modérateur, Jacques, nous avait demandé de prendre des questions et réponses. Et ça n'avait pas été enregistré, puis on m'en avait posé pour à peu près 20 minutes, une demi-heure. Je vais reprendre sur trois choses qui nous fait qu'on peut retrouver dans ces règles-là, qui sont vivifiantes, qu'on peut retrouver dans les 10 commandements, et qu'on retrouve dans la loi, et qu'on retrouve aussi dans toutes règles ou lois qui sont vivifiantes et non mortifères, ou qui amènent à la mort. Alors, les lois peuvent être quelque chose qui nous aide à vivre ensemble, ou certaines règles nous empêchent de vivre ensemble, alors à ce moment-là, elles sont nuisibles. Trois interdits dans la Bible qu'on retrouve, et qu'on retrouve de façon philosophiquement dans tout programme, toute hétéronomie. Hétéronomie, je vous répète, norme qui est donnée par autrui. C'est-à-dire, une morale que tu reçois de tes parents, la langue que tu entends que de tes parents, t'es pas inné avec cette langue-là, tu l'as entendue quelque part. Loi, législation, règle au hockey. Le règlement, quand tu t'en vas jouer au hockey, c'est toi qui décides. Au football, ici, on a un bon joueur de football, je pense, dans la communauté ici. Hein? Alors, quand tu vas jouer au football, la règle, tu t'en vas équiper. Tu mets ton équipement parce que tu vas t'en morceaux dans pas grand temps si tu ne mets pas ton équipement pour te protéger. Ensuite, il y a certaines choses qui sont interdites, comme style de plaquage, sinon tu vas avoir une pénalité. Il y a des règles. Alors, quand elles sont données par autrui, on dit hétéronomie. Hétéros, nomos, c'est-à-dire donné par autrui. Le Seigneur, lui, nous appelle à quelque chose d'extrêmement merveilleux. Il nous donne, oui, on a une hétéronomie, la loi de Dieu, mais il nous donne la loi de Dieu pour qu'on devienne autonome, autos nomos, c'est-à-dire s'approprier les règles, les faire siennes, comprendre, saisir, être capable de vivre en liberté. Celui qui est en Christ, hein, il n'y a pas de condamnation. Il nous a appelés à la liberté. Celui qui il nous rendra libres, pleinement libres. Cette liberté, elle donne une responsabilité parce qu'on est capable de saisir le pourquoi des règles et des normes et de la morale, être capable de se l'approprier, de le saisir à cause de notre communion avec Dieu par l'Esprit de Dieu. Et suite à cela, bien, on a de l'autonomie. Et il y a trois choses pour avoir de l'autonomie et développer l'autonomie. Premièrement, on ne tue personne. C'est la base, hein? C'est vrai, oui, non. Interdit de meurtre, c'est dans toutes les sociétés, voyons donc. Le meurtre, c'est condamné dans toutes les lois et toutes les règles. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Pourtant, il y a plusieurs des pays, la plupart des pays du monde, s'il y a un homosexuel, il ne vivra pas longtemps dans certains pays. Vous savez ça? On le tue. Maintenant, est-ce que Jean-François, tu es pour ça? Est-ce que c'est le plan de Dieu? C'est difficile de croire que c'est le plan planifié et privilégié de l'Éternel. Parce que c'est évident qu'il faut faire des enfants quelque part pour avoir une société. N'est-ce pas? C'est évident. Si on n'a pas d'enfants, on ne peut pas d'autres générations. Maintenant, est-ce que ça veut dire, parce qu'il y a certaines exceptions, que Dieu veut les tuer? Ça, c'est la question. Je serais étonné de voir à quel point l'Église, de façon générale, a pu tuer, littéralement tuer, beaucoup d'entre eux qui ont grandi, qui n'ont pas choisi et qui ont cette orientation sexuelle. Elle n'était pas dans le plan privilégié de Dieu, pas plus qu'être avoir une maladie mentale, est dans le plan divin de Dieu automatiquement, puis pas plus qu'être né handicapé, c'est peut-être plan général de Dieu, parce que la société aurait de la difficulté, on était tous handicapés. Mais quelque part, c'est une créature de Dieu. Et en tant que telle, elle doit le vivre et je dois le protéger. Pour ça, moi, je combats l'homophobie. Pas parce que Dieu fait la promotion de l'homosexualité, mais tout simplement parce que c'est un être humain. Et un être humain vaut la peine d'être protégé. Est-ce qu'on dit amen à cela? Et ça change notre regard à ce moment-là. Ça change complètement notre perspective. Lorsqu'on comprend que l'interdit de génocide, l'interdit de meurtre, il est aussi symbolique, ça change mon point de vue. À ce moment-là, souvent, et si vous allez le voir dans les religions, l'islam encourage de tuer les mécréants, les infidèles. On fait des croisades. L'Église elle-même a fait ça pendant plusieurs années, même durant certains siècles, c'était la pratique de faire des croisades, et on disait, c'est pas grave, tue-les tous, Dieu reconnaîtra les siens. Vous vous imaginez la phrase? S'il ne se convertit pas, tue-les tous, d'une manière ou l'autre, Dieu saura les siens. Si tu te trompes, c'est pas grave, s'il est à lui, Dieu les reconnaîtra, tue-les tous. Et ça, c'est pas le cœur de Dieu. Malheureusement, c'est souvent le cœur qu'on a dans le fin fond des religions et de tout fondamentalisme. Je vous rappelle pourquoi je dis fondamentaliste par absolutisme. Pas que je ne crois pas au fondement de l'Évangile. Dans ce sens-là, je suis un fondamentaliste. Si tu me dis ce que tu crois au fondement de l'Évangile, ben oui. Mais par fondamentaliste, je parle d'une idéologie ferme, absolue. Je sais tout, je connais tout, c'est ça. Comme si le moment que tu as appris et tu as une révélation de la Seigneurie de Jésus-Christ et que tu as réalisé que Jésus est mort et est ressuscité et que tu as cru à cela, oui, ta perspective change. Tu sais maintenant que Jésus a payé entièrement pour tes péchés, il est mort, il est ressuscité, tout est couvert, tu peux avoir la sécurité de ton salut, c'est merveilleux, mais je n'ai pas eu, excusez-moi, une révélation instantanée de toute la grandeur et la gloire de Dieu. C'est pas vrai. Je vois encore à travers un miroir, me dit 1 Corinthiens 13. J'ai pas une révélation parfaite. J'ai besoin de toi pour améliorer ma compréhension de Dieu. J'ai besoin de toi, mon voisin, ma voisine. J'ai besoin de l'autre qui est différent de moi pour comprendre ma révélation de Dieu. J'ai besoin de grandir. Alors, c'est pour cela que notre âme, nous dit la Bible, sera sauvée. Mais pourtant, tu n'es pas sauvé, ton esprit est sauvé. Oui, mais mon âme, mon psyché, le mot âme, psyché, d'où vient le mot psychologique, mon cerveau, ma compréhension, elle est en train d'être transformée, est en train d'être guérie par la connaissance des Écritures, par ma fréquentation des autres humains, par ma vie de tous les jours, puis par l'enseignement que fait le Seigneur à travers toi et à travers les autres. Et ça, là, mon intelligence est en train de changer. Alors, ma perspective change, et en tant que telle, je dois reconnaître, un, que tous les êtres humains sont des créatures de Dieu. Et dans le sens large, ce sont mes frères et mes sœurs. Dans le sens étroit, si tu dis, mais il n'y a pas le Seigneur, il ne croit pas en Jésus-Christ. Dans le sens étroit, si tu veux, il n'est peut-être pas mon frère dans la foi en Jésus-Christ, mais il est mon frère et ma sœur parce que c'est un humain. Et en tant que tel, je le protège et le défends. Et je vais m'opposer à quiconque veut détruire le peuple, entre guillemets, la création de Dieu. C'est pour ça que je peux dire que quand Kadhafi veut détruire son propre peuple, il agit contre Dieu. Et lorsque des peuples, des gens, d'une population se révoltent, ah, mais ils n'écoutent pas César. Que César soit César, à Dieu soit à Dieu, soumets-toi aux autorités, soumets-toi, écoute le roi. Ben oui, mais si le roi est un despote puis veut détruire les autres et détruire la vie, je ne peux m'y opposer au nom de Jésus-Christ. Et je vous donnais l'exemple qu'on soit capable de dépasser les règles et les lois, comme avait fait Dietrich Bonhoeffer. Je vous explique qu'un pasteur, 1937, 38, 39, il a été arrêté. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait partie d'un groupe de résistants allemands, intellectuels, qui ont fait littéralement un plan pour assassiner Hitler. Et Dieu était derrière cela, je peux vous dire, d'après moi. Ah! Ben oui, 1 versus 6 millions. Voyez-vous? Il y a aussi le calcul de Dieu, là. Quelque part, Kadhafi, quand il va être arrêté, c'est pas sûr qu'il va vivre longtemps. Mais on va peut-être sauver des millions de vies. C'est ça le calcul de Dieu. Il faut protéger la vie. Voilà. Et il faut être capable de penser hors des normes et des lois. Et quelque part, ça veut dire une résistance politique. Oui, oui, mais la politique, oui, non, c'est pas du Seigneur, ça, c'est le gouvernement-là. Tout à fait, et c'est du Seigneur aussi, tout à fait. C'est nous. C'est un nous. Le gouvernement du Québec, c'est nous. J'ai des amis libertariens, beaucoup sur Internet. J'aime les suivre. Ils contestent tout ce qui est gouvernement, tout ce qui est législation, tout ce qui est règles. C'est une réaction parce qu'on se fait étouffer par trop de règles, trop de lois, parce qu'on n'est plus capable de penser. Et on veut, et on nous gouverne par des légistes, des pharisiens. Ce sont tous des avocats. J'ai rien contre les avocats. Mais ce sont tous des avocats. Le premier ministre est un avocat, la moitié du conseil des ministres est un avocat, va en politique. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent les règles. Ce sont les spécialistes des règles. J'aime peut-être de temps en temps mieux un René Lévesque qui est journaliste et qui parle au peuple et qui est capable de rallier les gens et de comprendre que derrière les règles, « Ben oui, mais on a le Canada, il faut suivre le Canada. » Il y avait des gens qui sont capables de dire, « Oui, oui, mais nous aussi, on existe. » Et qui sont capables de s'opposer. Et nous, mais c'est pas grave qu'on soit d'accord, pas d'accord. L'idée, c'est qu'on fait partie de nous, qu'on critique, et ensemble, à travers ce remue-ménage, pour pas dire remue-ménage, hein, quelque part, on fait un nous. Et c'est pas parfait, c'est nous. Alors, l'interdit de tuer. Frères et sœurs, mes amis, assurons-nous de ne pas être mortifères, de ne pas être meurtriers dans notre cœur, et regardons chacun, chacune, peu importe qu'il soit de notre foi ou non, comme une créature de Dieu à protéger. À ce moment-là, on évite le deuxième blasphème, qui est un deuxième interdit qu'on a en éthique, qu'on retrouve dans toutes les lois divines, qui est l'interdit d'idolâtrie. Nous croyons un Dieu unique. Mes amis musulmans viennent me dire, « Mais oui, vous croyez à plusieurs dieux, vous autres, Jésus-Christ, Dieu, le Saint-Esprit, Dieu, le Père et Dieu, c'est qui? Vous êtes... » Alors, c'est pour ça qu'on va s'opposer à vous. Vous n'êtes même pas monothéiste. Alors, c'est évident d'essayer d'expliquer l'inexplicable. C'est comme vouloir expliquer Dieu en trois mots. C'est très, très difficile. Ce que je peux te dire, moi, c'est que Dieu est unique. Mais extraordinairement, c'est peut-être pour ça, c'est certainement pour ça qu'il a créé l'humain, Dieu est en lui-même un être social. Il a en lui-même un vivre ensemble. Il est en lui-même en bonne entente. C'est pas merveilleux? Pour moi, c'est déjà extraordinaire et ça me suffit comme compréhension de la notion trinitaire. Mais j'adore un seul Dieu. Et l'idolâtrie, c'est de considérer l'autre ou moi-même ailleurs que ce que Dieu pense de lui. Alors, si, de façon bien primitive, on pourrait dire de l'idolâtrie, ben, si j'adore une statue, si j'adore un faux Dieu, c'est de l'idolâtrie. En effet, ce n'est pas le vrai Dieu de la Bible. Maintenant, si je veux un Dieu qui est un martyr, qui est un Dieu qui est un terroriste, je fais aussi de l'idolâtrie parce que je ne crois pas dans le vrai Dieu de la Bible. Je n'ai pas le bon concept, je n'ai pas le bon raisonnement de ce qui est Dieu. Et ce que je trouve terrible, la plupart des religions, et je peux comprendre mes amis athées, je peux comprendre mes amis qui sont humanistes, qui ne veulent absolument rien savoir de la religion. Tout ce que je vois d'un Dieu souvent, tout ce qu'ils entendent d'un Dieu, c'est un Dieu qui est violent, qui fait des guerres. Il tue tout le monde. Ah, il règle le corps. On aurait de la misère avec ce Dieu-là. Ce Dieu, imagine-toi ce père de famille qui dit, attends un peu, toi, si t'arrives en retard, ce soir, ma petite fille, tu vas en manger toute une. Quel bon père de famille! On aurait de la misère. Alors, il faut comprendre. Souvent, les gens n'ont pas une résistance à Dieu pour Dieu. Ils comprennent pas le vrai Dieu de la Bible. Alors, tout ce qu'ils ont comme image, c'est une idole. C'est celle que nous avons reflétée. Pourtant, le peuple de Dieu, il doit être connu pour qui? Pourquoi? Pour l'amour que nous avons les uns pour les autres. Est-ce que c'est ça, notre connaissance? Est-ce qu'on est connu pour ça? Non, on est connu parce qu'on est contre l'avortement. On est connu parce qu'on est contre ci. On est connu parce qu'on est contre cela. On est connu parce qu'on est contre. Mon Dieu, on en veut-tu à la planète à ce point-là? On a un grand Dieu et on doit être connu pour l'amour que nous avons les uns pour les autres. La deuxième chose que je veux dire sur l'idolâtrie, c'est que nous, souvent, on a de la misère avec Dieu. Parce que justement, à partir de nos règles, de nos lois, de notre morale que nous brisons continuellement, nous brisons soit les règles écrites ou non écrites. Dans une église, c'est toujours un bon truc de savoir. Hein? Première chose que j'observe, moi, parce que j'ai un petit peu le réflexe, j'ai été formé pour ça en éthique, parce que quand je vais dans une organisation et on fait un diagnostic éthique, la première chose qu'on va faire, je vais vous donner un exemple, on a travaillé pendant des années avec la Sûreté du Québec, on a travaillé ici aussi à la police de Montréal. Alors, ce qu'on nous faisait faire souvent, on va aller dans la voiture du policier, on va passer une nuit avec lui pour voir ce qu'il vit, les situations qu'il vit, pour essayer de voir les problèmes éthiques qu'il peut avoir. Et souvent, on découvre qu'il y a deux règles, les règles écrites et encore les règles non écrites. Dans la police, souvent, ils ont un bon réflexe, qui est dans la police, reste dans la police. Comme si ce n'était pas des citoyens. Et c'était très difficile pour nous, éthiciens, d'arriver et de dire, écoutez les gars, là, vous n'êtes pas une armée qui vient d'un territoire extérieur. Vous n'êtes pas une milice. Les policiers, c'est des concitoyens qui vivent dans la cité avec les autres. Donc, les règles sont aussi les vôtres. Ce qui fait que maintenant, on ne laisse plus aller lorsqu'un policier prend un alcool. D'habitude, il appelait son chum, son ami venait le chercher ou il gardait ça. Et puis ensuite, on prenait le ticket, puis il n'y avait pas de ticket, puis c'était en police entre nous autres. On a la planète contre nous autres, on a la ville contre nous autres, il faut bien se défendre entre nous autres. Et on a tous ces abus du pouvoir qui venaient avec cela. Alors, c'était une instruction. Donc, l'idolâtrie, c'est aussi d'avoir une perspective autre que celle que Dieu a à ton sujet. Ah! Tu sais, la fameuse dépression. Et on a tous eu des... Si certains n'ont pas connu de dépression majeure, moi j'en ai connu, on a souvent des périodes déprimées ou dépressives, n'est-ce pas? On ne vit pas selon nos normes, ça ne se passe pas comme ça va, mon couple ne se passe pas comme c'est supposé, ma santé ne va pas bien, mes finances ne vont pas bien, et je me sens responsable, et je m'abaisse, et je me vois inférieur aux autres. Et ça aussi, c'est de l'idolâtrie. Comme se voir supérieur. Oh oui, mais je suis un chrétien, moi, j'ai la foi, je ne suis quand même pas un impie. Pas un infidèle, je crois en Dieu. Oui. Mais c'est quoi ton mérite là-dedans? Là? C'est pas par les œuvres que tu as été sauvé. C'est par la grâce, au moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Afin que personne ne se glorifie puis s'enfle la tête. N'est-ce pas? Donc, tu n'as pas à te dévaloriser ou te valoriser au-dessus des autres. Oui, mais tu veux dire que moi, là, je ne suis pas mieux, je ne suis pas supérieur à cet impie qui ne suit pas la loi de Dieu et qui n'aime pas, qui vit dans concubinage, ou encore sa morale est à délaisser, ou encore il fume la cigarette, il prend de la drogue, il va, c'est épouvantable, je veux dire que je suis égal à ça, moi! Pourquoi je suis venu au Seigneur à ce moment-là? Pourquoi j'ai eu la foi si je suis pareil à ça? T'es pas pareil, mais t'es pas mieux, et t'es pas pire. T'as juste reçu un peu plus, donc plus de responsabilité. Ah! Et une responsabilité de ne pas les voir inférieurs et de les traiter également. Ah ouais! L'idolâtrie est un péché très fréquent dans l'Église. C'est pas sacré. C'est se dévaloriser sans cesse ou s'élever au-dessus. Nous sommes membres du corps et tous les membres sont importants. Amen. On dit oui à ça? Le troisième interdit, c'est l'interdit d'inceste. Vous dites, ben oui, c'est évident l'inceste. Ben, c'est pas évident tant que ça, là. Vous savez, il y a tellement d'abus. On le voit bien, hein? Tellement d'abus sexuels de ces jours-ci. Hein? C'est quoi l'idée? C'est l'idée hein, d'un père, quand on pense l'idée de l'inceste, souvent c'est un père, c'est rarement une mère, mais qui va abuser sexuellement des enfants. Alors, l'enfant qui est encore en non-développement, on dit, et moi je suis d'accord, les recherches psychologiques, sociologiques nous démontrent qu'on arrive à une maturité sexuelle plus tard, hein, dans l'adolescence, pas avant, pas à l'enfance. Donc, c'est à protéger. Et qu'est-ce que fait le père quand il fait ça? Il ne voit plus la relation comme un égal, comme étant son sang qui coule dans les veines. Il voit comme un objet pour sa propre satisfaction, comme un objet. Dieu, qui lui-même intersujettit en lui-même, doctrine de la Trinité, je dirais, au niveau des chrétiens, il nous voit, il nous a créés à son image, un autre sujet. Alors, on est à avoir des relations intersubjectives, entre égaux, entre sujets. Tu n'es jamais un objet. Tu n'es pas une chose, tu n'es pas une chaise. C'est pour ça que je déteste qu'on donne des étiquettes. Sur ma page Facebook, qui est bien ouverte à tout le monde, aux opinions, aux idées, j'ai des amis fédéralistes, j'ai des amis souverainistes, j'ai malheureusement quelques amis antisémites que je viens de découvrir, j'ai plusieurs amis juifs, j'ai différentes perspectives, mais on n'arrive pas avec une étiquette chez nous. Ah, les gauchistes sont tous des fous. L'extrême droite, c'est des capotés. C'est la doctrine ou l'enseignement ou l'idéologie extrême droite. Tu peux être en désaccord, comme tu peux être en désaccord avec l'idéologie fasciste. Mais ça ne veut pas dire que c'est un fasciste. Puis tu ne mets pas une étiquette, puis c'est pas un nazi, puis c'est pas une tapette, puis c'est pas un maudit handicapé. C'est un être humain. Et chez moi, et dans ma page, et c'est ce que j'essaie de refléter dans ma vie par ma connaissance de Dieu, c'est que tu n'es pas figé. Tu n'es pas un objet. Tu es un sujet. Et à propre titre, en tant que sujet, tu peux changer et te transformer. Dieu ne nous fige pas. C'est important. Aristote, un philosophe que j'adore, c'est un philosophe qui est tout le monde. Il est partout. La philosophie d'Aristote est partout dans toutes les sciences, dans tous les domaines. En psychologie, en éthique, en sociologie, il est partout. Aristote dit ceci, et Jacques Ellul, si vous connaissez Jacques Ellul, théologien protestant et philosophe, que j'adore, toute sa philosophie part sur une réflexion d'Aristote, entre la finalité et les moyens. La finalité d'une chose, c'est le pourquoi d'une chose, c'est où on se dirige. Les moyens, c'est les mesures qu'on se prend pour s'y rendre. Il y a 20 ans, vous rappelez-vous, les plus vieux ici vous rappellerez, il y avait une grosse discussion, une remise en question de l'école du dimanche. On fêtait à l'époque, je pense, le 400e anniversaire, ou 200e, je ne me souviens plus, 250e anniversaire de l'école du dimanche. Et puis, c'était sacré dans les églises protestantes, la plupart des églises protestantes, l'école du dimanche. Et là, on voyait que, à cause de raisons démographiques, tout simplement, la situation, que l'école du dimanche pouvait être utile, mais peut-être pas de la manière sacrée qu'on en faisait, mais pour certains, c'était sacré. L'école du dimanche, finalement, n'était pas une finalité. L'école n'est pas une finalité, c'est l'instruction qui est une finalité. L'école est un moyen, un outil. Tous les outils peuvent être mis en question. La loi n'est pas une finalité, elle est un moyen pour qu'on aille à Dieu, pour qu'on puisse vivre ensemble. Comprenez-vous l'importance de comprendre cette petite chose-là entre les moyens et les finalités? Les moyens peuvent être remis en question, la finalité, elle doit être prédéterminée, soit entre nous. Voilà où on veut aller, est-ce que les moyens correspondent à cela? On dit souvent que la fin, vous avez entendu l'adage, la fin justifie les moyens. Alors, lorsqu'on a une mauvaise finalité, il est évident que tout moyen, même bon, même juste, seront mauvais. On a dit de Hitler, ah, mais il a relevé le gouvernement, il a redonné la fierté, il a coupé le chômage, il a réinstauré la fierté du peuple allemand. Et c'est pour ça que les chrétiens d'Allemagne se sont fait leurrer. Tout ce qu'ils faisaient avait l'air bon. Ça semblait bien. Les moyens semblaient bons, mais la finalité était mauvaise. Et là, c'est là que nous devons avoir un discernement. L'interdit d'inceste, j'ai un projet, j'ai une vision. Il faut faire un vivre ensemble. Mais nous devons ensemble en discuter et nous devons ensemble se rallier. Tu n'es pas un objet dans lequel je fais juste te dire, toi, je te fais fitter dans mon plan. Combien d'entre nous, on a une vision de Dieu, une vision de la famille, une vision de l'Église, dans laquelle nous voulons que tous les autres, simplement, fitent dans notre vision? Et là, c'est un danger parce qu'on fait le péché d'inceste, parce qu'on est en train de rendre l'autre comme un objet. Wow! Pierre-Jean Labrière, philosophe, disait, ne devenons pas ce que nous ne sommes pas. Ne devenons pas ce que nous ne sommes pas. Et quand je vous dis qu'on est dans une nature, on dit qu'on est sous l'influence dans la Bible, on dit qu'on est sous l'influence du péché. C'est-à-dire qu'on a une mauvaise vision. Rappelez-vous le mot péché que je vous avais expliqué la dernière fois en grec, amartia, une mauvaise vision, une mauvaise perspective. Nous avons une perspective sur la terre qui n'est pas nécessairement écologique de façon naturelle. On est égoïste, on veut survivre. Mais d'un côté, je ne peux pas survivre, moi, si je n'ai pas l'autre. Alors, je peux vivre en victime, tout le monde veut m'attaquer. Ou je peux vivre en je m'en foutisme, dans lequel je me laisse envahir par les autres. Et tout le monde m'envahit et je n'existe plus. Ou on peut faire un vivre ensemble et ne pas devenir ce que nous ne sommes pas parce que nous n'avons pas la vision juste de ce qu'est la vie et ce qu'est l'humanité. Et avec Christ, par la parole de Dieu, par la prière, oui, par notre communion avec Dieu, par notre communion avec les frères et les sœurs, nous grandissons dans la foi, nous changeons notre perspective sur nous-mêmes et en découvrant, justement, par les Écritures, notre grand Dieu, nous réalisons qu'il nous aime et qu'il est concerné par nous et je ne suis pas ce que je pensais que j'étais. Étonnamment, on dit des sages, les personnes plus âgées, qu'on appelle souvent les sages dans les cultures, « elder », comme disent mes amis cris, qui écoutent beaucoup les personnes âgées, on remarque une chose assez particulière. Plus tu vieillis, plus tu deviens mature, moins tu es attaché aux règles et aux lois, plus tu es attaché aux gens et aux valeurs. Vous remarquerez. Jeune, Alain Dubuc, éditorialiste à la presse, était un marxiste-léniniste. Il l'est plus. Jeune, j'étais vraiment un fondamentaliste là, de la pire espèce. Là. Évangélique, fondamentaliste, de la pire espèce. Moi, j'envoyais à peu près tout le monde en enfer. Hein. J'étais très bon là-dessus. Hein. Et puis, je me souviens très bien, j'ai terrorisé certaines églises. Littéralement. Pour le bien de Dieu, pour la vérité, pour la droiture. Et que j'ai exclu du monde. Ça se peut pas, j'en ai honte, j'ai demandé pardon. À un moment donné, je suis revenu, mais l'église que j'étais avait eu un pasteur encore plus légaliste que moi après. Donc, quand je suis arrivé, moi, je pensais que... Moi, l'église avait quand même grandi un peu. Lui, il a fait le ménage, comme ils disent. Ils font toujours un ménage. Ils ont tout le temps le propre de faire un ménage. Hein? Le réveil va venir par la sainteté. Il y a du péché ici. Hein? Puis là, on se monte tous l'un contre l'autre. Ah, tel, il est tel. Et on a toutes des étiquettes. Tel, tel, et tel, et tel, et tel. Et puis là, ensuite, tu dis, je te dis que c'est tout un espoir d'aller à l'église le dimanche. Quand tu sais que tout le monde est terrible, tout le monde t'en veut. Puis là, ensuite, tu marches les fesses serrées. Et là, tu apprends la belle dichotomie chrétienne, la dyade impossible, l'hypocrisie, la schizophrénie, comment paraître correct en gardant un petit peu d'intimité de ta vie privée pour qu'on te foute la paix. J'ai réussi à passer un dimanche sans qu'il aille parler contre moi. Ni dans le message, ni un frère, ni une sœur. Je suis content. J'espère que ça va bien aller le dimanche prochain. J'ai de la misère avec un Dieu comme ça. J'ai de la misère. C'est plus moi, ça. Je suis retourné voir l'église d'Adolbeau. Que Dieu bénisse. Adolbeau. J'étais pasteur. J'ai commencé là, mon premier pastorat. J'ai 21 ans. Je viens de sortir de théologie. Et puis, je suis revenu là-bas. Puis j'ai demandé pardon à mon église. Eux, ils ne comprenaient pas. C'était libre dans ton temps, Jean-François. C'est quoi l'affaire? Curieusement, il y a quelques années, J'étais avec. J'étais fiancé à l'époque. J'étais avec la copine que j'ai. Et on fait le tour du lac Saint-Jean. Puis j'arrête au cimetière protestant. Et je vois d'un de mes diacres, de mes anciens d'église, qui est mort. Puis ça m'attriste. Je ne savais pas qu'il était mort depuis ce temps-là, là. Monsieur Doucette. Et puis, ça me touche. Je me mets à pleurer. Puis je dis, j'appelle sa femme. J'appelle sa veuve. Ça se peut pas que j'appelle sa veuve. D'un côté, j'avais peur parce que c'était ma légaliste. Elle, avant, elle sacrait après ses enfants pour qu'ils viennent à la messe. Puis après qu'elle est devenue protestante, elle leur pitchait des versets assez raides pour qu'ils viennent à l'église. Mais la réaction était la même des deux côtés. Fous-moi la paix, ma! Alors, je vais voir ma petite madame. Je vais l'appeler Madame Doucette parce qu'elle porte plus ce nom-là. Pour garder son intimité quand même, que j'aime beaucoup. Et elle m'accueille, puis elle me sort dans ses bras, puis elle me dit, Jean-François! Puis à ce moment-là, je fume ma cigarette, puis je n'avais pas la vie la plus sanctifiée selon les normes, puis aucune résistance. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, moi, je n'oublierai jamais, jamais, jamais, jamais. Quand Adrien, c'était le nom de son mari, avait fait une crise de cœur, je t'avais appelé avant l'ambulance, tu es arrivé avant l'ambulance, tu l'as emmené à l'hôpital, tu as sauvé la vie avant tout le monde. Elle ne se souvenait plus de mes messages, mais elle se souvenait des gestes concrets d'amour que j'avais faits. Intéressant, hein? Qui dépassait tout son légalisme. Et pour elle, j'étais son ami. Intéressant, les gestes d'amour qui dépassent toute loi et toute norme. On a un Dieu d'amour, et je termine avec ceci. J'aimerais vous dire qu'il n'a pas fini avec vous, que vous avez beau briser toutes les morales, et votre propre morale, vos propres standards. L'œuvre de Christ est accomplie. Nous lui disons et nous avançons. Nous changeons notre opinion sur nous-mêmes. La culpabilité de Charles Finney, là, qui était le livre sacré pour certains que me parlait un frère dernièrement, puis on a tous lu les plus vieux d'entre nous qui ont déjà été dans le pastorat, on a tout lu à un moment donné le réveil de Charles Finney, dans lequel il fallait faire trembler la terre, il fallait faire sentir les flammes de l'enfer, il fallait amener la peur pour qu'ensuite il y ait des larmes qui coulent et qu'une église repentante est une église qui pleure. Et là, ensuite, sous cette terreur, Dieu, maintenant, qui entend tes larmes, te fera peut-être grâce. Pour aujourd'hui. On verra la semaine prochaine. Et souvent, c'est notre fondement, parce qu'on voyait dans cette... Dieu va redonner ce que toi et tes idées folles t'ont détruites. Dieu va reconstruire la santé que tu t'es toi-même détruit. Dieu va redonner la prospérité que toi-même t'as dilapidée. Et c'est ça l'importance avec notre Dieu. C'est qu'il n'a jamais fini avec nous parce qu'il nous aime. Et s'il nous demande de l'aimer de tout cœur, de toute notre force, de toute notre âme, de toute notre pensée, n'est-ce pas parce que lui nous aime de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée? Je vous pose la question. N'est-ce pas à partir de cet amour qu'on peut donner cet amour? Ne devenons pas, comme on dit dans le vieil adage, une mer morte. La mer morte en Israël, j'y suis allé, je me suis baigné dans la mer morte. Elle s'appelle morte parce qu'après avoir reçu du Jourdain son eau, elle ne va nulle part. Et elle est asséchée là. Nous recevons pour donner. Et si Dieu nous dit, et si Jésus lui-même nous dit que le premier commandement, c'est d'aimer ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, c'est parce qu'il est aimable. Il est aimable, notre Dieu. Il nous donne de l'aimer parce qu'il nous aime. Nous recevons de son amour et nous, je peux m'aimer, moi, Jean-François. Pourtant, certains me disaient, il est haïssable, le petit gars-là. Oh, il est-tu mal commode? Oh, il n'est pas durable. Ben moi, je vais vous dire une nouvelle phrase. Je suis aimable parce qu'il m'a aimé. Tu es plus aimable que tu le penses. Et ensuite, tu peux t'aimer toi-même. Et là, changer ta perspective en ne tuant pas l'autre, en n'abusant pas de l'autre et en le plaçant avec la vision que Dieu a de lui. Alors voici, je termine ainsi. L'espoir est là. Maintenant, sa chance-là, l'autonomie me donne une responsabilité. Je dois être un citoyen. Je dois vivre en Église. Je vais m'impliquer. Je vais faire les choses comme il faut. Je vais me prendre soin de tous et de toutes, même s'ils sont différents de moi. Voilà l'appel. Moi, je suis heureux de faire partie Roi des Rois, une Église qui, pour moi, protestante, qui est importante, parce que le protestantisme, à la base, seulement par la foi, le salut est seulement par la foi, et notre autorité de foi, seulement l'Écriture. J'ai aucune difficulté avec ça. Ce qu'on a ajouté après, par exemple, oui, j'ai des difficultés. C'est pour ça que je suis un fier croyant, chrétien, protestant. Je reconnais mon héritage, qui n'est pas musulman. Le christianisme vient du judaïsme. Et n'oublions pas que notre fondateur, Jésus-Christ, n'était pas chrétien. Il était juif. Alors peut-être que ça changera notre regard sur notre voisin. Que Dieu vous bénisse tous et toutes. Et je vous remercie d'avoir pris ces quelques minutes.